الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد بإذن الله عز وجل continue avec la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et ce qui nous importe, comme je le dis souvent, surtout quand on traite les sujets ou quand on traite la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, ce qui est le plus important dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de tirer le maximum de morale et ici de pouvoir appliquer ces morales dans la vie de tous les jours. Donc on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ici c'est pour qu'elle nous serve, cette biographie, à travers les diverses étapes qu'on peut vivre et à travers les diverses situations qu'on peut retrouver tout au long de notre vie. Donc c'est pour ça que ce qui est important dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de comprendre les morales et de le mettre en application le mieux possible. Donc on avait traité la semaine dernière de la bataille, ou bien de Fathu Mecca, si on veut avec une traduction approximative, la grande victoire. Avec une traduction approximative, la grande victoire. Et on avait terminé avec ce sujet-là. Et au jour d'aujourd'hui, on va traiter, et on est toujours dans l'an 8 de l'Hégire, la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn. Et dans cette bataille, on tire plusieurs morales. Et parmi les plus grandes morales de cette bataille, c'est qu'il ne faut jamais être trop sûr de soi. Même si on pense réussir, même si on pense détenir la vérité avec nous, il faut jamais être trop sûr de soi par risque d'être trompé. Donc ici, on va tirer plusieurs morales de cette bataille, et parmi ces morales, celles que je viens de vous citer, on va le voir ici dans les détails, bi-idhnillahi azza wa jal. Pendant la bataille de Hunayn, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les causes de cette bataille, pourquoi a eu lieu cette bataille, cette razwa, razwatu Hunayn, on va le voir bi-idhnillahi azza wa jal. Alors que les différentes tribus qui étaient aux alentours de la Mecque, ici et parmi elles, il y avait les Hawazin, les Thaqif et leur métropole à Taif, qui était la troisième grande cité d'Arabie Saoudite après la Mecque, et Médine, ici, ces différentes tribus se sont tous rassemblées. Se sont tous rassemblées et ici, s'allièrent sous le commandement d'un homme qu'on appelle Malik ibn Auf, le chef des Hawazin. Ils se sont dit, vaut mieux attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que les compagnons à la Mecque, vaut mieux les provoquer maintenant et les attaquer, les défier et les attaquer, avant que eux, ils nous attaquent. Parce qu'ils avaient entendu, bien sûr, parler d'eux. Et ils se sont dit, entre guillemets, c'est maintenant ou jamais. Et ici, cet homme qui était Malik ibn Auf, parmi les descriptions qu'on a de lui, c'était que c'était une personne qui n'acceptait pas le fait qu'il fallait souvent consulter. Et il en faisait qu'à sa tête. Et lors de cette bataille qu'on appelle la bataille Ghazwat Hunayn, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de rassembler le maximum de personnes pour attaquer le prophète alayhi salatu wassalam wa sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Et parmi ces personnes, il a réuni les femmes, il a réuni les enfants, il a réuni les combattants, il a réuni la plus grande artillerie qu'il pouvait réunir. Et il y a eu plusieurs hommes ici qui l'ont conseillé en lui disant, écoute, ça ne sert à rien de réunir autant de monde et surtout les femmes et les enfants. Car si tu le fais, ici c'est... Il y a un risque que tu prends, parce que si on perd, ça sera une plus grande humiliation pour toi. Parce que là, ici, il y aura des captifs auprès d'eux. Et parmi ces captifs, il y aura bien sûr nos femmes et nos enfants. Donc ça sera une plus grande humiliation. Donc ils étaient toujours dans l'incertitude. Regardez, ça c'était les kuffars ici, qui n'étaient pas musulmans, qui faisaient partie des associateurs. Ils avaient encore ici cette incertitude. Est-ce qu'on va gagner ou pas? Mais regardez ici le comportement des musulmans lors de cette bataille. Donc eux, ils étaient incertains, parce qu'ils avaient vu la force qu'ils avaient. Ils reconnaissaient la force de leur ennemi, c'est-à-dire la force du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons. Ils savaient qu'ils venaient ici de conquérir la Mecque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il en a fait qu'à sa tête. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est parvenu des informations, comme quoi ceux-ci voulaient ici les attaquer. Donc est-ce que c'est le prophète qui est parti les attaquer? Abadan. C'est un jihad. C'est un combat qu'on appelle jihad... de défense. Est-ce que le premier jihad qui a été légiféré en islam, c'est le jihad al-talab d'attaque? C'était le jihad de défense. Le prophète alayhi salatu wassalam, tout au long de la biographie, on voit qu'il ne faisait que se défendre. Donc ici, il était attaqué, il était oppressé, il se défendait. Encore une fois, ici on voit que après que le prophète alayhi salatu wassalam a mis tout en œuvre pour faire cette grande conquête, Fathu Mecca, de la façon ici yani la plus pacifiste. Ici, on voit que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas voulu attaquer les autres tribus qui avoisinaient ici la Mecque, mais ce sont eux qui ont provoqué le prophète alayhi salatu wasalam et qui ont voulu attaquer ici, yarhamukallah, les musulmans. Ils se sont réunis, ils ont voulu les attaquer. Le prophète a eu certaines informations. Il est rapporté dans le hadith de Abu Daoud. Bisanadin sahih, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans sahih Abi Daoud, il est rapporté qu'un homme informa le prophète, alayhi salatu wasalam, de l'état de cette armée en disant, Ya Rasulallah, j'ai été jusqu'à telle montagne et j'ai vu les Hawazin, tous sans exception, tous sans exception. Khlas, ils ont joué le grand jeu. Femmes, enfants, combattants, la plus grande artillerie, tous sans exception. Ici, ils se sont tous rassemblés et ils campaient avec leurs femmes, leurs bétails, leurs moutons. Ils se sont rassemblés à Hunayn. Et qu'est-ce qu'on tire de cette ghazwa? C'est ce qu'on va voir à la fin, bi'idhnillah azza wa jal, le butin. Et le partage du butin. Regardez qu'est-ce qu'il est rapporté ici dans Abu Daoud. Ils se sont tous déplacés sans exception. Mais regardez, on lui avait conseillé, on lui avait dit, attention, c'est un double tranchant. Si on gagne, khlas. Mais si on perd, on risque d'être encore plus humilié. Pourquoi? Parce que là, on a laissé nos femmes, nos enfants, bien plus que cela. Ils ont ramené leurs moutons, leurs bétails. Ils ont tout ramené avec eux. Ils ont joué le grand jeu. Ça passe ou ça casse. Et ici, comme il est relaté dans Abu Daoud, il a été rapporté au prophète Al-Sassim qu'ils étaient tous en train de camper dans telle vallée. Et il y avait les moutons, les femmes, les enfants, le bétail. Et ils ont ramené toute leur artillerie. Le prophète Al-Sassim, à ce moment-là, sourit et il dit, ce sera demain un butin pour les musulmans. Incha'Allah, si Allah le veut. Le prophète alayhi salatu wasalam, huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Donc il ne parle pas poussé par sa passion. Mais c'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Il a dit, khlas, demain ça sera un butin pour nous. Si Allah azza wa jal le veut, incha'Allah. Il ne faut jamais oublier de dire, incha'Allah. Donc le prophète alayhi salatu wasalam l'a dit. Il l'a dit. Les compagnons l'ont entendu. Ils l'ont entendu, mais le grand mais. Vous allez voir ce qui s'est passé. Ils étaient environ, comme il est relaté ici d'après les historiens, environ 20 000. Ils étaient environ 20 000, c'est-à-dire les associateurs, contre environ 12 000 du côté des musulmans. Et 12 000 pour les musulmans, ils n'avaient pas l'habitude d'être aussi nombreux. Et on avait vu que à chaque fois, ou dans la majeure partie, si ce n'est toutes les batailles qui ont précédé, les musulmans étaient toujours beaucoup moins que les adversaires ou l'ennemi. Mais là, ils étaient quand même un grand nombre, bien que les autres étaient environ 20 000, ils étaient 12 000. Ils étaient 12 000. Mais avec eux, il y avait, écoutez bien, il y avait des nouveaux qui venaient d'embrasser l'islam. Il y avait des nouveaux qui venaient d'embrasser l'islam. Il y avait bien sûr al-muhajirun wal-ansar, radiyallahu anhum wa ardahum, ceux qui ont reçu l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Il y avait ici les émigrants, ici et al-ansar. Donc ceux qui ont accepté ou ceux qui ont accueilli les émigrants, ala kulli hal, les habitants de Médine, qui vivaient à Médine. Donc ceux-là, ils étaient depuis longtemps avec le prophète alayhi salatu wasalam. Ce sont eux qui ont soutenu le prophète alayhi salatu wasalam, qui ont assisté à de nombreuses batailles avec le prophète alayhi salatu wasalam. Écoutez bien, qui se sont fait opprimer, comme les nouveaux convertis ou reconvertis ne s'étaient pas fait opprimer, ils étaient nouveaux, qui se sont fait opprimer comme personne d'autre avant eux, parmi les nouveaux reconvertis. Donc ils ont vécu toutes sortes d'épreuves. Ils ont fait leurs preuves ou pas? Ils ont fait leur preuve. Ils ont fait al-bay'a, bay'atul ridwan, on l'avait vu, d'accord, ce pacte d'allégeance, ce serment d'allégeance, ils s'étaient engagés. Ils avaient prouvé qu'ils étaient prêts à sacrifier tout leur vie, leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont prouvé, khlas. Ils n'avaient plus rien à prouver. Ils ont participé à Badr, ils ont participé même à Badr, ils ont participé à Uhud. Lakin, les nouveaux, c'est autre chose. Ils étaient nouveaux dans la religion. Et là, on va voir la différence, al-farq, entre le nouveau qui embrasse l'islam et la personne qui a déjà fait ses preuves. Et regardez, hikmatul habib alayhi salatu wassalam, la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam, et on va voir sa réaction même à travers la distribution du butin à la fin. Et beaucoup de morales sont à prendre. Donc on voit ici, il faut toujours regarder bien, et ici, adapter son avis, adapter son comportement, par rapport à la personne qui est en face de nous. Et on se doit toujours que ça soit au niveau de la da'wah, au niveau du comportement, au niveau des conseils, toujours se mettre au même niveau que la personne qui est en face de nous. Si c'est un nouveau, tu ne réagiras jamais comme si c'était un ancien qui était en face de toi. Tu ne placeras jamais autant confiance envers une nouvelle personne dans la religion comme tu placeras ta confiance en une personne qui a déjà fait ses preuves et qui est ancien dans la religion. C'est logique ou pas? C'est logique. C'est logique ou pas? C'est logique, bien sûr, et cette logique qui fait partie de l'islam est fondée sur le Coran ou la Sunna bi fahmi salafil umma, et la preuve de la Sunna, vous allez la voir ici. Il y avait des nouveaux ici qui ont embrassé l'islam. Donc, l'armée était, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, et vous allez le voir, elle était un peu trop confiante. Ah, c'est ce qu'il faut jamais être. Ou c'est le comportement qu'il faut jamais avoir. Trop être sûr de soi. Que ça soit, yani, toi-même, quand tu es tout seul dans une situation, toi-même être trop en confiance, ou bien, même si tu es accompagné de beaucoup de gens, que vous soyez trop en confiance, trop être sûr de soi, ça peut être un grave défaut. Et qui peut te jouer beaucoup de tours. Et c'est pour ça qu'on se doit d'être toujours modeste. Toujours modeste. Même si tu sais et tu reconnais que tu détiens avec toi la force, l'intelligence, la science, reste toujours modeste. Car sinon, ça peut toujours ici se retourner contre toi, comme on va le voir. Il y avait des gens qui étaient trop confiants dans cette armée. Allah l'a dit dans le Coran. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a mentionné. Mais ces personnes-là, c'était qui? C'était qui? C'était les nouveaux. Pourquoi? On avait parlé de Fathu Makka, qui était dans la même année. Et quand ils ont embrassé l'islam, c'était des nouveaux. Donc ils n'ont pas subi, ou alors ils n'ont pas eu, on va dire même, la chance. On va pas dire simplement ils n'ont pas subi. Ils n'ont pas eu la chance de vivre tous les miracles du prophète alayhi salatu wassalam, ou les situations où le prophète alayhi salatu wassalam a eu toutes sortes de miracles, alors que les autres compagnons qui ont vécu déjà al-muhajirun wal-ansar, ils ont vu des miracles et des miracles. Ils ont vu et vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam. Leur shir, leur instituteur, leur professeur, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Et tu verras, dans tous les cas même, quand tu vois une personne, un élève qui est très ancien avec un de ses professeurs ou de ses shir, n'aura jamais le comportement, le même comportement que le nouveau qui est avec son professeur ou son shir. Parce que l'ancien a pu connaître mieux son professeur, son shir ou tel alim. Il a pu reconnaître sa science, son degré, etc. Ça va le pousser à le respecter plus. Pareil, ici, as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardam. C'était bien des compagnons, mais ils étaient nouveaux. Donc ils n'ont pas vécu plein de choses pour arriver au même niveau que al-muhajirun wal-ansar. Pour réagir de la même façon qu'eux. Pour avoir la même certitude, la même confiance, le même degré, ici, de bonne aqida, la bonne croyance, comme le muhajirun wal-ansar. Ils ont eu même une déficience grave au niveau de l'aqida. Et même plus que cela, je vais vous dire, ils sont tombés, ou le moins qu'on puisse dire, ils ont failli tomber dans al-shirku billahi subhanahu wa ta'ala. Et le hadith qu'on va citer, c'est un hadith de référence qui est utilisé par beaucoup de gens de science, et on va le voir bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ici, ils ont dit, ou certains d'entre eux ont été même jusqu'à dire, nous ne serons pas vaincus aujourd'hui à cause d'un petit effectif. Khalas. Donc maintenant, aujourd'hui, khalas, vu notre grand nombre, on ne sera pas vaincus. Regardez les paroles, yani qui montrent qu'ils étaient trop confiants et trop sur d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, wa ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa yawma hunayn, il parle Allah azza wa jal de ce jour-là, le jour de Hunayn. Wa yawma hunayn, idh a'ajabatkum kathratakum, aw kathratukum afwan, falam tughni ankum shay'a, wa daqat alaykumul ard bima rahubat, ثم وليتم مدبرين. Allah il parle vraiment de façon précise de leurs paroles, de leurs comportements. Regardez. Mais après on va reprendre tout le verset ou les versets coraniques de sourate At-Tawba qui concernent cette bataille. Et vous allez voir bien Allah subhanahu wa ta'ala ici comment il les a secourus. Mais là regardez, on prend cette partie là et Allah azza wa jalla dit, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela vous a servi à rien, la terre malgré son étendue vous devient bien étroite. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Regardez le résultat. Vous avez tourné le dos en fuyard. Vous avez pris la fuite. Alors que vous disiez quoi? Vous étiez sûr de vous. La terre est bien étendue et bien vaste, mais elle vous a paru très étroite. La preuve que quoi? Si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, même si tes problèmes rendent ton cœur très étroit, wallahi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, va te délivrer de ses souffrances, de ses angoisses et de ses tristesses. Si tu places ta confiance en Allah Azza wa Jalla comme il se doit, si tu agis avec humilité envers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, wa illa sinon, wallahi, même si tu crois avoir toutes les richesses, tous les biens d'ici bas, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre ton cœur et ta poitrine étroite et gênée, même si tu détiens toutes les richesses. Regardez, Allah il dit bien que la terre soit vaste, mais ce jour-là, vous l'avez bien vu, vous êtes senti vraiment étroit. Vous l'avez senti étroit, se renfermer sur vous. Pourquoi Dieu a quoi? Ici, certes, vous étiez trop confiant et vous avez eu un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Un manque de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on va le voir par la suite, bi'idnillah azza wa jal. Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite, tous, pas tous, un groupe, mais particulièrement les nouveaux. Regardez, particulièrement les nouveaux. Ils ont pris la fuite, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal. Et ici, c'est pour ça qu'on dit que les nouveaux qui rentrent dans l'islam, faut savoir adapter la da'wah avec eux. Et toujours, toujours, toujours commencer par quoi? Ce qui va te donner des bases fermes dans la religion. Qui va te donner des bases fermes pour pouvoir consolider comme il se doit ta da'wah. Et avancer comme il se doit de façon régulière. Placer ta confiance en Allah Azzawajal comme il se doit. Réagir comme il se doit. Agir avec fermeté. Avec stabilité, c'est quoi? At-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Reconnaître qu'Allah c'est le seul qui donne et qui reprend. Reconnaître qu'Allah azza wa jal c'est lui ar-razzaq, le pourvoyeur. Reconnaître qu'Allah azza wa jal c'est lui qui enlève les soucis et les tristesses quand tu es atteint de tristesse. Wa in yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu. Et ça c'est très important. Quand Allah fait qu'il t'atteint ou qu'il t'arrive un mal, nul ne peut l'enlever si ce n'est Allah Azza wa Jal. Reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, il n'a nul besoin d'associer. Reconnaître que quand tu demandes à Allah. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Ça, c'est pas simplement des paroles qu'on entend et qu'on apprend par cœur, mais savoir vivre avec at-tawhid, avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa sinon, wallahi al-azim, tu vas flancher un jour ou un autre. Et la preuve de cela, nombreuses sont les preuves. On sait très bien que Mu'ad ibn Jabal, quand le prophète alayhi salam l'a envoyé ici, et quand il l'a envoyé à un peuple qui, quoi comme peuple? Ahlul Kitab. Il a dit la première des choses que tu vas leur apprendre, c'est quoi? Leur enseigner, c'est quoi? At-tawhid. Regardez pourquoi on commence par At-tawhid, car ça c'est la base. C'est ça qui va te permettre d'avancer dans la religion, et rester stable dans la religion, et pas flancher lors des épreuves, lors des soucis, lors des... Yani, tu ne flancheras pas, bi'idnillah azawajal, car quoi? Tu t'es accroché à ce qu'il y a de plus important dans l'islam, ce qui te permet d'entrer au paradis, bi'idnillah azawajal, et ce qui te permet, ici, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, de traverser toutes les épreuves. C'est quoi at-tawhid? C'est pas qu'un mot tawhid, mais c'est vivre avec. Quand t'as un problème, khlas, la terre elle se rend, ou tu sens la terre devenir étroite, ton cœur et tous les problèmes sur toi, khlas, tu t'en remets à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah azza wa jalla qui va te délivrer de tous tes problèmes. Et c'est pour ça qu'Allah il dit, in tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala vous secourra. Ça c'est tawhid. Quand le prophète Aïssam dit dans Sahih Muslim, man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajati. Celui qui vient, ou alors qui assiste son frère, avec une traduction approximative, ou qui vient au secours de son frère, qui assiste son frère, qui aide son frère, Allah Azza wa Jal viendra à son secours. Donc on revient toujours à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. C'est-à-dire, dans ta bouche, il y a Allah qui sort tout le temps. Dans ton cœur, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui sort tout le temps. C'est ça, at-tawhid, et vivre avec at-tawhid. Et at-tawhid, ce n'est pas une mode. Comme certains le prétendent, bon, khlas, moi j'apprends, je fais des cours de at-tawhid. Khlas, tu le poses une question, ou tu le vois, on parle pas de question. Tu le vois dans une épreuve, comment il flanche, il n'a rien de at-tawhid. Il ne comprend rien à at-tawhid. Donc ici, il faut comprendre ce que c'est que at-tawhid, et l'importance de at-tawhid, et vous allez le voir ici, bi'idnillahi azza wa jal. Regardez ici comment ils ont réagi. Et ils avaient une déficience, certains d'entre eux, dans ce qu'on appelle le tawhid, al-aqidatu sahiha. Sahaba, as-sahaba. Prophète Aïssam, comment il a réagi avec eux? On va le voir ici. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi, dans Sunan, avec une chaîne de transmission bonne. Regardez, le prophète alayhi salatu wa salam, comment a réagi avec ses compagnons. Lorsqu'ils sont sortis pour la bataille de Hunayn, sur la route, sur le chemin, le prophète et sahaba, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, lorsqu'ils sont sortis pour l'expédition de Hunayn, afwan, ils passèrent à côté d'un arbre des idolâtres. Il y avait un arbre ici, chajar, des idolâtres. Et ici, ces idolâtres appelaient cet arbre Dhat Anwat. Dhat Anwat. Je pense que certains connaissent ce hadith. Cet arbre-là s'appelait Dhat Anwat. Et ici, ils accrochaient leurs armes, et ici, ils s'installèrent quelquefois au pied de cet arbre, et ils accrochèrent, c'est-à-dire ces associateurs, leurs armes, avec l'intention d'acquérir el-baraka, la bénédiction. Regardez leur intention. C'est-à-dire, ils mettaient, ils disaient, bon, si on pose nos armes ici, on aura le baraka. D'accord? C'était cette intention qu'ils avaient. Khalas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est passé ici, avec les compagnons, et ils dirent alors, ils ont dit au messager d'Allah, donne-nous un dhat, un wat. Donne-nous, c'est-à-dire un quoi? Un arbre. Donne-nous un arbre, c'est-à-dire dhat, un wat. Comme ceux-là ont cet arbre-là, dhat, un wat. Nous aussi, on en vit comme eux. Regardez, le prophète, alayhi salam, il est venu pour éradiquer quoi? Ash-shirku billahi azza wa jalla. Il a combattu des années, des années, des années, jusqu'à faire fathu Mecca, jusqu'à ce que ceux qui sont participés avec le Hunayn, ils ont embrassé l'islam, et ils ont détruit, ou ils ont attesté, ou ils ont plutôt témoigné, ici, que le prophète, alayhi salatu wa salam, a ici détruit avec as-sahaba, les statues qui étaient autour de la Kaaba, et ils étaient sûrs que le prophète, alayhi salatu wa salam, voulait éradiquer ash-shirku billahi, et ils sortent avec le prophète alayhi salatu wassalam lors de cette expédition, et pendant la route il dit, ah, nous aussi on veut ça, on veut cet arbre là, c'est-à-dire un arbre où, comme eux, ils accrochent leurs âmes pour avoir le baraka. Regardez ça, c'est des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes des associateurs, des kuffars sortis de l'islam. Est-ce qu'il a dit ça le prophète alayhi salatu wassalam? Regardez comment il a réagi le prophète alayhi salatu wassalam. Et on sait très bien que ash-shirku billahi azza wa jal, c'est le plus grand des péchés et la plus grande des injustices qui existent sur la surface de la terre. Inna shirka la zulmun azim. Comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran al-Karim. Wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar. Wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah rentre en enfer. Et celui qui meurt sans rien associer à Allah Azza wa Jalla rentre au paradis, comme a dit dans le Sahih Muslim. Et ici, Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit à part ça, il pardonne à qui il veut, c'est grave. Avec ça, regardez le prophète alayhi salatu wassalam, الرَّحْمَةُ الْمُهْدَى, comment il a réagi, وَنُنَزِّلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ. Regardez, et on s'adapte au niveau des gens. Il y a une différence entre tomber dans shirk, ou dans le kufr, ou dire une parole de kufr, après qu'il y a eu iqamat al-hujja, après qu'on t'a montré les preuves, après qu'on t'ait expliqué, et en le faisant par ignorance, alors que personne ne t'a jamais expliqué que ça c'était du shirk. Une différence ou pas? Il y a une différence. Mais écoutez bien et suivez bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu mal. Il a eu mal ou pas? Na'am. Si tu n'as pas mal, tu ne ressens pas quelque chose dans ton cœur, quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées, sache que tu as un problème dans ton iman, dans ta foi. Est-ce que toi tu as mal si on insultait ton père? Est-ce que tu aurais mal? Na'am. Est-ce que tu as mal quand on insulte le prophète alayhi salatu wassalam? Pose-toi la question. Est-ce que tu as mal ici quand ou si quelqu'un vient chez toi et se comporte d'une mauvaise façon? Est-ce que tu as mal quand quelqu'un rentre dans la maison d'Allah, une mosquée, se comporte d'une mauvaise façon? Est-ce que tu apprécierais qu'on lève le ton sur ton épouse? Est-ce que toi tu apprécierais qu'on lève le ton sur, par exemple, une chose qui a trait à la religion, ou un savant, ou quelqu'un de science? Pose-toi la question. Est-ce que tu as mal ici, tu prouves de la jalousie pour ta religion quand les limites d'Allah sont transgressées? Ça, tu dois l'avoir, ça, ya Abdallah. Ça, c'est obligatoire. Wa illa, si tu n'as pas ça, je crains pour toi que ta foi, le moins qu'on puisse dire, soit très basse, très faible. Écoute le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu cette situation? Il dit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète, il leur dit ça, Allahu Akbar. Et il dit, ceci est comme ce que le peuple de Moussa, alayhi salam, a dit. Écoute bien, donne-nous un dieu comme ceux-là ont des dieux. Ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Regardez ce qu'ils ont dit, le peuple de Moussa, alayhi salam. Ils ont dit, donne-nous un dieu comme ceux-là ont des dieux. Il dit ça, vous avez réagi comme le peuple de Moussa. Quand ils ont dit à Moussa, alayhi salam, donne-nous un dieu comme eux, ils ont un dieu. Regardez, le prophète, il a eu mal, et il s'est référé à ce que a supporté Moussa, alayhi salam. Par celui qui détient mon âme dans sa main, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez suivre les coutumes de ceux d'avant vous. Vous allez suivre les coutumes de ceux d'avant vous. Il montre qu'ici, ils ont ressemblé. Regardez une différence. Entre tomber dans l'association et faire un acte qui ressemble aux associateurs. Un acte même d'association, mais qui a été fait en voulant ressembler au kuffar, mais sans savoir la gravité de la chose. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils étaient nouveaux dans l'islam. Le prophète alayhi salam les a réprimandés. Mais est-ce qu'il a dit, vous êtes sortis de l'islam? Maintenant on revient. Le fait d'accrocher des armes ou alors des choses sur yani un arbre en espérant la baraka, en disant khlas, moi si je fais ça, ça va me porter bonheur. On est d'accord. On va dans un arbre et on s'arrête sur cet arbre-là et on reste à côté. On dit bah khlas, je reste sous cet arbre-là, ça va me porter bonheur, je vais avoir le baraka. Shirk amla. C'est du shirk. Khlas. Shirk. Al-asl yakhruj min al-milla man fa'ala dhalik. Ça veut dire ça. La base, celui qui a fait ça, il sort de la religion. C'est ça ou pas? Vous faites peur là. Hein? À la base, oui. Donc ça veut dire que moi, si je dis, par exemple, wal ka'ba, est-ce que je sors de l'islam? Ah, shirkun asghar. C'est clair. Comme قال عليه الصلاه والسلام لا تقول كما جاء في الصحيح في الحديث رواه الامام الحاكم وصححه الالباني رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم كيسكي لا يجب قوله تعالى لا تقول والكعبه وقولوا ورب الكعبه قوله تعالى دي نو ديت با par la Kaaba parce que là tu jures par la Kaaba mais dit wa rabb al Kaaba كما جاء في الصحيح mais dit par le seigneur de la Kaaba d'accord. وقال عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث رواه ابو داود وغيره من اهل العلم كيسكي يجب قوله تعالى والسلام il dit man halafa bi ghayri Allah faqad kafar aw ashrak. Celui qui jure par autre Allah subhanahu wa ta'ala, par autre qu'Allah azza wa jal, il a certes mécru ou il est tombé dans l'association. Les savants ont dit c'est celui qui a rapporté le hadith qui ne sait plus. Est-ce que ici le prophète a dit il a mécru ou alors il est tombé dans l'association? Ala kulli hal, là on parle de quoi? Petite ou grande association? Petite. Ash-shirk naw'an, il y a deux types de shirk. Ash-shirk al-asghar wal akbar. Celui qui tombe dans la petite association, il ne sort pas de l'islam. Celui qui tombe dans la grande association, il sort de l'islam. C'est clair, c'est les bases ça, de l'aqid et de tawhid, ça c'est clair. Celui qui jure par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il tombe dans la grande association? Il tombe dans la petite association. Clair? Ash-shirkul khafi, la petite association, c'est quoi aussi comme le prophète l'a dit? Ar-riya, l'ostentation. Ça fait partie de la petite association, on est d'accord. La grande association, c'est quoi? C'est d'invoquer quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant cette chose ou ce quelqu'un au même degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'implorant comme on implore Allah azza wa jal, en espérant de lui comme on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le mettre au même niveau qu'Allah azza wa jal, si ce n'est plus haut. Ça c'est shirk al-akbar. Donc maintenant moi, ici, si je vais vers un arbre et je dis, moi ici j'espère al-baraka, la bénédiction, ici, pas d'Allah azza wa jal, mais j'espère la bénédiction, que je vais avoir de la bénédiction, que ça va me porter bonheur de rester auprès de cet arbre-là. C'est une petite ou une grande association? Khalas. Si on dit, moi je reconnais que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, c'est Allah qui descend le baraka, c'est Allah, mais ça, c'est une cause qui fait que ça m'apporte une chose aussi, d'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'apporte. Ou plutôt, un intermédiaire pour avoir al-baraka. D'accord? Je le prends comme intermédiaire. D'accord? Je dis, moi, khala, je sais que c'est Allah qui prend, c'est Allah qui... Je le mets pas au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. Mais je sais qu'ici, ça va m'être bénéfique. Ça va me porter bonheur. D'accord? Mais tout en sachant que je le mets même pas au même niveau qu'Allah Azza wa Jal. Je dis, non, khalas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, il n'y a pas d'associé, rien du tout. Mais cette chose va me porter bonheur. Donc, à ce moment-là, ici, c'est de la petite association. Mais si je dis, non, khlas, cet arbre-là, si je lui demande, il va m'accepter mes invocations. Et je demande pas à lui de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je dis à lui, ya, oh, toi l'arbre, donne-moi. Et je sais que c'est lui qui va me donner. C'est lui qui va m'accorder ma subsistance. C'est lui qui va me protéger. C'est lui qui va, là, tu peux tomber dans la grande association. Ash-shirk al-akbar. Déjà, là, les savants disent que c'est une petite association, mais qui aurait pu les faire tomber dans une grande association, c'est-à-dire sortir de l'islam wal-iyadu billah. Donc ici, le fait, par exemple, de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, tant que tu reconnais que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend, c'est Allah qui exauce, c'est de la petite association. Mais si tu jures, par exemple, sur du pain, ou alors sur une maison, ou alors sur une personne, en te disant, je jure par cette personne, mais ici, en sachant que c'est cette personne-là, en jurant sur elle, qui va m'accorder ce bien-là. Ça, c'est de la grande association. Ça, c'est du kufr. Tu sors de l'islam, wal-iyadu billah, pourquoi tu as mis au même degré cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, Allah donne, mais lui aussi donne. Allah reprend, mais lui aussi reprend. Allah protège, mais lui aussi, il va me protéger si je l'invoque, je dis protège-moi, je suis sûr que lui va me protéger. Shirkul akbar wal iyadu billah, ba'da iqamat al hujja. Après l'établissement de la preuve. C'est-à-dire après qu'on ait apporté les preuves à cette personne-là, que ici, ça c'est de la grande association, c'est interdit en islam, etc. D'accord? Ceux-là, ils étaient nouveaux dans la religion ou pas? Ils étaient nouveaux dans la religion. C'était tout nouveau pour eux, leur religion. Donc, est-ce qu'ils avaient une déficience dans ce qu'on appelle le tawhid? Al-aqida. Ils avaient ou pas? Ils avaient. On a dit quoi au début? Al-tawhid wa al-aqida tu sahiha, c'est ça qui va consolider ta foi. Et c'est ça qui va te permettre de rester ferme, de rester stable, de placer ta confiance en Allah comme il se doit. C'est vrai ou pas? Parce que si déjà tu doutes sur le fait que il n'y a qu'Allah qui donne, qui reprend, qu'Allah Azzawajal qui descend sa miséricorde, qu'Allah qui protège, qu'Allah Azzawajal qui yani, t'apporte son secours, et qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu ne dois invoquer personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'es pas sûr de ça, est-ce qu'au moment des épreuves, tu risquerais de flancher? Tu risques de flancher ou pas? Parce que quoi, tu n'as pas rempli ton cœur de la crainte principale envers Allah Azzawajal. De l'amour envers Allah Azzawajal. C'est-à-dire, ton amour envers Allah n'a pas pris le dessus. Ta crainte envers Allah n'a pas pris le dessus. Ta confiance en Allah n'a pas pris le dessus. Ta peur envers Allah Azzawajal n'a pas pris le dessus. Yani, ça n'a pas pris le dessus. Pourquoi tu es un peu dans l'ambiguïté? Regardez juste à peine un arbre. Ils ont vu, ils sont tombés tout de suite dans les ambiguïtés. Ils ont dit quoi? Mais pourquoi nous aussi on veut ça? Donc ils sont pas, on voit qu'il y a une instabilité ou pas? Il y a une instabilité. Ils sont pas fermes. Et quand tu n'es pas ferme, concernant ta aqida et concernant at-tawhid, obligatoirement dans toutes tes épreuves, tu vas flancher. Obligatoirement dans toutes tes épreuves, tu vas flancher. Ou plutôt, excusez-moi, rectification, dans la majeure partie de tes épreuves, tu vas flancher. C'est obligé, c'est comme ça. Parce que le principal, tu ne l'as pas. C'est-à-dire la croyance ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, bien plus que cela. La compréhension ferme concernant la ilaha illallah. Il n'y a de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas bien compris, tu ne l'as pas bien assimilé, tu ne l'as pas mis en application. Et regardez ces gens-là qui sont tombés dans quoi? Dans les ambiguïtés. Et qui sont tombés dans le choubouette et qui n'ont mal ou qu'ils ont mal encore assumé dû à leur récente conversion, mal assimilé ce qu'on appelle le tawhid, l'illahi azza wa jal. Regardez comment ils ont réagi par la suite. Dans ce hadith, on voit que la première des choses, il y avait de la part de Benou Israël un grand manque de comportement envers Moussa alayhi salam. La preuve c'est quoi? C'est pas ça. Est-ce que le fait de dire « accorde-nous un Dieu » et le fait ici de dire « donne-nous un arbre », est-ce que les deux c'est du shirk? Les deux c'est du shirk. Clair? Clair, il est plus clair que le shirk. Il y en a dans lequel on voulut ou on faillit de tomber Benou Israël, il est plus clair et plus grave que celui dans lequel on voulut et on faillit de tomber As-Sahaba. C'est clair ou pas? Clair, parce que là ils ont dit « demande ici » à ton Dieu, c'est-à-dire une divinité, ça c'est clair. Lakin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi à Moussa alayhi salam? Oh, ils l'ont appelé comment? Ils l'ont appelé comment? Moussa! Ils l'ont appelé Moussa ou pas? D'accord. Comment ils ont appelé le prophète alayhi salatu wassalam? Ya Rasulullah. Ils ont dit Ya Rasulallah. Ils ont dit Oh messager d'Allah. Tandis que le peuple de Moussa, regardez comme disent les savants, regardez le mauvais comportement qu'ils avaient envers Moussa alayhi salam. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a fait l'éloge à quoi? À qui? À Moussa alayhi salam. Pourquoi? Pour sa patience. Et il a glorifié Moussa alayhi salam en rappelant la patience qu'il a eue. Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah fasse miséricorde, comme a qu'al alayhi salatu wassalam, ou comme a qu'al alayhi salatu wassalam, à Moussa alayhi salam. Il n'a patienté comme personne n'a patienté. Le prophète, il a fait l'éloge par rapport à sa patience. Regardez juste que le prophète Moussa alayhi salam a enduré avec son peuple. Juste la façon de parler. Ils n'ont pas dit, ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah, ya Moussa. Subhanallah. Même ici, nous, regardez, musulmans, quand on voit une personne de science, est-ce que si tu vois un savant, tu l'appelles par son prénom? Tout le monde va être choqué ou pas? Tout le monde va être choqué. Imagine-toi un prophète, un messager d'Allah, tu l'appelles par son prénom, c'est un manque de respect ou pas? Grave, regardez le prophète, alayhi salam, Moussa, comment ils lui ont parlé? Oh Moussa! Alors que regardez, ba'da, le comportement qu'ils avaient ici, les Arabes, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ils disent, ya Rasulallah, oh messager d'Allah, première des choses. Deuxième des choses ici, le prophète, alayhi salam, on a dit, ne les a pas sortis de l'islam. Donc il faut faire très attention ici à cette règle. Toute parole de kufr ne fait pas de toi automatiquement un kafir. Clair? Ça ne veut pas dire que ici une personne va dire une parole de mécréance ou faire un acte de mécréance, tout de suite il sort de l'islam. Il faut se renseigner pourquoi elle a fait. Est-ce qu'il a fait sur la contrainte ou pas? Est-ce qu'il l'a fait par ignorance ou pas? Est-ce qu'il a la raison ou pas la raison? Est-ce que et c'est pas à tout le monde de traiter n'importe qui de mécréant sans preuve, sans hujja, sans argument tiré du Coran et de la Sunna, mais faire misalafil umma. Clair? Et ici, ils étaient nouveaux et ici, il faut faire très attention à qui on donne les responsabilités. Surtout quand les responsabilités sont très grandes. Quand il y a des nouveaux en islam et ils n'ont pas encore toutes les bases, ils n'ont pas encore une compréhension complète et saine, une bonne compréhension de la religion, est-ce qu'on va lui dire directement à ce nouveau qui vient à peine d'embrasser l'islam, « Khalas, va dans telle cité et commence à da'watu illallah azza wa jal. » On va lui dire oui ou non? Pourquoi on va pas lui dire, on va lui dire non? Pourquoi? Parce que c'est un nouveau, ya Abdallah. Et da'watu illallah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une mince affaire. C'est le travail de l'anbiya et wa rasoul, les prophètes et les envoyés. Et bi ijma'il ulama, ceux qui ont éprouvé les plus grandes des épreuves, plutôt ceux qui ont subi les plus grandes des épreuves, ce sont les prophètes et les envoyés. Et ça, c'est la preuve, comme disait Ahlul Ilm, que celui qui va faire da'watu illallah azza wa jal, et plus il va avancer dans da'watu illallah azza wa jal, plus il va avoir des épreuves. Si toi tu dis à un nouveau qui rentre dans l'islam, il n'a même pas encore appris at-tawhid, il n'a même pas encore appris al-aqidah as-sahiha, ça fait deux jours qu'il rentre dans l'islam, et tu vas lui dire vas-y, commence le travail qui va t'attirer des centaines et des centaines d'épreuves. Comment il va tenir? Il va pas tenir. Et pourquoi da'watu ilallah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesses par lesquelles ou pour laquelle ou pour lesquelles Allah azza wa jalla, il éprouve beaucoup le da'i? Pourquoi à votre avis? Pourquoi? Pour qu'il est sincère. Mais tout le monde est prouvé pour savoir si on est sincère ou menteur. Ça, c'est clair. Bien sûr, il y a ça. Pourquoi? Ça, c'est l'épreuve. Ça rejoint l'épreuve. Comme le prophète, alayhi salam, il dit dans Sahih, le hadith authentifié par Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, le savant ou la personne de science qui indique le bien et qui ne le fait pas ou qui ne le met pas en application plutôt, ce qu'il enseigne, il est comparable à quoi? À quoi? Il est comparable à un flambeau. Un flambeau qui illumine les autres alors que lui se consume. Alayhi salatu wassalam. Regardez l'image du prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr, il va être prouvé. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est pour l'élevant en degré. Mais ça, on parle des pourquoi il y a les épreuves de façon générale. Je ne parle pas de ça. D'accord, soit Allah il veut te purifier, soit Allah il veut t'élever de degré, etc., etc. Non, on commence Allah azza wa jalla nous donne des épreuves. Pourquoi? Pour savoir le véridique du menteur, ça c'est clair. Après, khlas, te purifier des péchés. Après, khlas, le prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé. Bien sûr, comme personne n'a été éprouvé, bien sûr. Est-ce que ça veut dire parce qu'il avait beaucoup de péchés? Non, pour que Allah l'élève de degré. Naam, c'est pas ça que je veux dire. Le da'i, celui qui est concerné par la parole d'Allah azza wa jal, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Et qui profère une plus belle parole que celui qui appelle Allah azza wa jal wa amila salihan, qui accomplit les œuvres salutaires et qui dit je fais parmi des soumis ou partie des soumis d'Allah Azza wa Jalla, à Allah Azza wa Jalla. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va éprouver beaucoup le da'i? Pourquoi? Mais non, on ne parle pas de ça. Bien sûr, il l'aime. Plus une personne est éprouvée, plus Allah l'aime. D'accord? Le prophète Hassan dit dans le Sahih, quand Allah il éprouve un peuple, c'est, ou quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. C'est pas ça. Regardez, ad-da'i, c'est lui qui quoi? As-sabr. Na'am, ça on sait. Tout le monde, on va voir. La patience, c'est clair. Tout le monde. Là, on parle du général, am. C'est l'exemple, clair, mais ça c'est pas une réponse. C'est l'exemple, bien sûr c'est un exemple. C'est un exemple quelque part. Ça, c'est un peu, ça s'approche de la réponse. Pourquoi? Regardez. Si toi tu es un da'i, comment veux-tu être un bon da'i, un bon prédicateur, alors que tu n'as pas vécu des situations difficiles? Une personne qui vit, par exemple, des situations graves, est-ce qu'il va être, et qui a réussi à les surmonter, par la cause de sa science, est-ce qu'il va être en meilleure position pour le conseil ou pour conseiller son frère que la personne qui n'a pas vécu de situation grave et qui n'a pas réussi à les surmonter? Il pourra pas. Ils sont pas pareils. Celui qui est da'i, s'il ne vit pas plein de malheurs et plein d'épreuves, il pourra jamais être un bon prédicateur. Et c'est pour ça que plus tu avances dans da'wa et plus tu as des épreuves. Et plus tu montes ces épreuves, et plus tu deviens un bon da'i. Et plus tu montes les épreuves, plus tu deviens un meilleur da'i. Pourquoi? Tu as passé les examens. Et toi, quand tu conseilles un frère, khlas, tu as fait déjà tes preuves. Et tu sais ce que le frère endure. Parce que toi, tu as vécu déjà ça. Et tu, même plus que ça, tu as vécu pire. Mais si toi, tu as un frère en face de toi, et il te rapporte un problème, toi, tu n'as même pas vécu le tiers de ce qu'il a vécu. Comment veux-tu que tu le conseilles bien et comme il se doit? Tu vas dire, moi, ce que tu as vécu, ou alors la plupart des gens que tu rencontres, tu n'as rien vécu de ce qu'ils ont vécu. Comment veux-tu le conseiller? Soit tu pourras tomber parmi, ou être parmi les gens qui, Allah a décrit dans le Coran, « Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan »« Indallah yantakulu ma la taf'alun » Pas seulement frère, c'est rien, c'est les trucs. Tu vas avoir une épreuve, tu vas être parmi les gens qui ne vont pas patienter. Peut-être soit ça, ou soit tu vas le conseiller d'une mauvaise façon parce que tu ne sais pas vraiment ce qu'il a vécu et comment on doit réagir quand on a des énormes épreuves. Tu n'as pas cette expérience-là. Mais tandis que le da'i qui a reçu plein d'épreuves, yani il a vécu des centaines et des centaines d'épreuves, wallahi, quand une personne va lui raconter même une épreuve qui pour la personne qui lui raconte est grave, pour lui ça va être quelque chose d'insignifiant. Il a vécu 10 000 fois pire ou 100 fois pire. Donc ici, alhamdoulilah, il sera au niveau et il sera apte de le conseiller comme il se doit. Et il ne sera pas parmi les personnes qui Allah a dit sur eux dans le Coran, ou vous qui dites des choses que vous ne faites pas. C'est une abomination auprès d'Allah de dire des choses que vous ne faites pas. S'il lui dit patiente, c'est que lui il a patienté sur pire. Donc déjà, il n'est pas concerné parmi les gens, ou il ne fait pas partie des gens qui parlent, mais qui n'appliquent pas. Déjà. Deuxième des choses, khlas, il a de l'expérience, et Abdallah. Il sait, tu vas lui parler de n'importe quelle situation, il a vécu plein de sortes d'épreuves, et il a réussi à les surmonter. Donc ici, il va être dans une bonne position pour te conseiller. Et c'est pour ça qu'en général, ad-du'at, les prédicateurs sincères, véridiques, et qui sont sur le haq, en général, ils ont des épreuves comme personne d'autre à part eux, non. Et plus ils ont un gros niveau dans la prédication et dans la science, et plus ils ont d'énormes épreuves. Et ça, ça leur permet de quoi? Déjà, eux, de savoir est-ce qu'ils sont véridiques ou pas, est-ce que leur science leur sert à quelque chose ou pas, et est-ce qu'ils sont aptes à conseiller ou pas. Quelqu'un va venir avec une grosse épreuve, ou avec une petite épreuve. Il va dire, moi, comment ça? Je vais lui dire patiente, alors qu'hier, moi, ce qui m'est arrivé, j'ai perdu quelqu'un de ma famille, j'ai flanché, j'ai commencé à crier, Vous voyez? Donc ici, il pourra pas avoir... Mais si lui, alhamdoulilah, il a eu des personnes qui sont mortes dans sa famille, il a toujours patienté comme il se doit. Il a fait des accidents, il a toujours sorti la ilaha illallah. Il a eu des épreuves, il a jamais délaissé ad-da'watu illallah. Il a eu des problèmes, il a jamais délaissé le fait d'enseigner la religion. Il a eu des problèmes, il a jamais délaissé le fait de venir à la mosquée. Alhamdoulilah, quand quelqu'un va lui demander des conseils, il va lui donner ses recommandations. Ce que je te recommande, délaisse jamais la prière. Ne baisse jamais les bras. Accroche-toi tout le temps à la science religieuse. Rappelle-toi toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cesse jamais d'invoquer Allah Azza wa Jalla, parce que lui il l'a fait. Il est en position de lui dire ça à ce frère-là, et pour lui il a vécu ces choses-là et pire que ça. Il est en position de lui faire cette prédication à da'watu ila Allah Azza wa Jalla. C'est compris ou pas? C'est clair? Donc ici on ne dit pas on veut les épreuves. Mais quand ils viennent, il faut patienter. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et patiente, et la patience tu pourras l'avoir que par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Quand on a les épreuves, on dit ya Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat, le raffermissement, et qu'Allah Azza wa Jalla nous raffermisse. Mais ici, ça ne veut pas dire, oh, moi, je ne fais pas de da'wah, parce que si je fais de da'wah, je vais avoir des épreuves. Abadan. Nous, on n'est pas là pour faire peur aux gens. Mais on sait que Allah dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Mais on dit, attention, tu fais ad-da'watu ila Allah, sache que tu as fait le travail des prophètes et des envoyés, non seulement le travail du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pas que le travail du prophète, mais de tous les prophètes et les envoyés. Et que tu as emprunté la voie qui est la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont interrogé les savants. Et ils ont dit, qui est le meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal? Celui qui fait ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Vous regardez, on parle même des gens qui étaient même à l'époque du prophète Azza wa Jal dans le combat fi sabilillah Azza wa Jal. Ou ceux qui combattent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, certains gens de science? Ad-da'watu ila Allah. Pourquoi? Pourquoi? Le djihad c'est pour toi? Pourquoi c'est pour toi? Pour toi. Les compagnons ils combattaient pour eux ou pour que la parole d'Allah Azza wa Jalla soit la plus haute? C'est pourquoi da'watu ila Allah Azza wa Jalla? C'est pour les gens, mais eux ils étaient dans le combat, les compagnons, le prophète Azza wa Jalla, c'est pour tout le monde. Mais pourquoi? C'est quel est le plus grand ennemi? C'est qui le plus grand ennemi? Celui qui fait da'watu ila Allah Azza wa Jalla, les combats qui? Shaitan. Et plus l'ennemi est grand, et plus le mérite est grand. Ils disent ad-du'at, ce sont eux qui combattent qui? Al-shaytan. Ad-da'watu ila Allah Azza wa Jalla, tu combats qui? Le travail de shaytan. Shaytan, il est là pour égarer les gens. Là, toi, tu es là pour, ici, remettre sur la voie du droit chemin les gens. D'accord? Et c'est pour ça que les savants disent, à deux hâtes, ils ont le plus grand ennemi qui combattent jour et nuit sans cesse, sans s'arrêter. Jour et nuit, ils combattent le plus grand ennemi et plus que cela, ils permettent à toutes les personnes qui les écoutent de combattre le grand ou le plus grand des ennemis. C'est pour ça que ici, Shaitan, la chose qu'il déteste, c'est bien sûr l'ilm. Et c'est pour ça que le Hassan al-Basri wa ghayruhu min ahli al-ilm, qu'est-ce qu'il disait? Comme je dis souvent, la science c'est quoi? An-nur, la lumière. Et la première des choses que Shaitan essaie de te faire, c'est de quoi? De te sortir de quoi? Hadha an-nur, de cette lumière. Parce que quand tu es sorti de cette lumière, tu es dans les ténèbres, et quand tu es dans le volumat, Shaitan, il fait de toi ce qu'il veut. Yaf'alu bika ma yasha. Il fait de toi ce qu'il veut. Donc c'est pour ça, regardez, nous on combat qui? Ash-Shaitan. Toi tu écoutes, tu transmets, tu combats Shaitan. Sache que tu es dans un jihad, tu es dans un combat, alhamdulillah. Si tu es sincère, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. On rentre dans la bataille de Hunayn ou on revient dans la bataille de Hunayn. L'armée était confiante. L'armée, elle était très confiante, comme on l'avait dit, comme Allah Azza wa Jalla l'a rappelé dans le Coran al-Karim. Ils sont arrivés jusqu'à la vallée de Hunayn, où il y avait Malik ibn Auf et ses hommes, avec les différentes tribus, qui étaient déjà venus dans cette allée. Et ils ont pris les points les plus stratégiques. Eux, les musulmans, sont arrivés après eux. Eux, ils sont venus les premiers. Ils étaient dans la vallée, le haut de la vallée, ils avaient pris les endroits les plus stratégiques. Et quand ils se sont avancés, ils ont été pris par surprise et ils ont tous dégainé leurs flèches et ils ont créé l'instabilité au sein des croyants et particulièrement chez les nouveaux. Ils sont arrivés et directement ils les ont vus ou ils se sont retrouvés face à quoi? À toutes ces flèches-là. Et beaucoup sont morts, beaucoup ont été combattus et il y a eu une instabilité et il y a eu une peur qui a envahi le cœur de beaucoup de compagnons et surtout particulièrement des nouveaux et il y a eu beaucoup qui ont pris la fuite. Allah a dit, il a parlé des fuyards ou pas? Allah, il a parlé des fuyards. Et c'était une des causes, c'était quoi? Khalas, on va dire les deux causes principales, si vous avez bien compris. C'était quoi? Khalas, trop confiant et quoi? La peur, trop confiant et? Manque de tawhid. Regardez, ils étaient faibles dans le tawhid. Regardez, ils ont dit un arbre, ils ont vu un arbre adorer, nous aussi on veut adorer un arbre. Khalas, t'as pas de tawhid et akhil karim, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ou si ce n'est, tu vas être très faible dans ta foi et dans ton avancée dans la religion. Regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prendre la fuite. Et beaucoup d'entre eux ont été attrapés, poignardés, etc., etc. Beaucoup d'entre eux ont été tués. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est replié vers la droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les voit. Khalas, tous en train d'être tués. Ceux qui étaient en train de prendre la fuite, certains d'entre eux étaient rattrapés et ils se faisaient poignarder et tuer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est mis à lancer un appel. Et il disait quoi alayhi salatu wassalam? Mais où allez-vous? Venez à moi, je suis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Mohammed fils de Abdullah. Regardez le prophète alayhi salam, il criait, il disait venez à moi, où vous allez? Je suis Mohammed fils de Abdullah. Et il prenait la fuite. Alayhi salatu wassalam. Min al-mu'minin al-rijal. Et à leur tête, Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il a pris la fuite? Non seulement il n'a pas pris la fuite, le prophète alayhi salatu wassalam, mais il était dans les premiers rangs, et c'était lui qui les rappelait. Venez, venez! Et eux, ils prenaient tous la fuite. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, le hadith est rapporté par, ici, Ibn Hisham, Ibn Jarir, avec une chaîne de transmission authentique. Il est rapporté que tellement qu'il y avait un mouvement de panique, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était au-dessus de sa mule, et certains historiens rapportent que sa mule était blanche, et il lançait cet appel-là. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, voyez tous les chameaux s'écraser l'un sur l'autre. Un mouvement de panique grave. 10 000 ou 12 000 compagnons contre 20 000. Un mouvement de panique. Les chameaux s'écrasaient l'un sur l'autre. Et eux, ils prenaient la fuite, les fuyards. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, en train de les appeler. Venez, venez, c'est moi, Mohammed, fils de Abdullah. Rapporté par l'imam muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était accompagné, ou plutôt entouré, de quelques compagnons qui faisaient partie de qui? De l'muhajirin. Il faisait partie de l'muhajirin, ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, mais il y avait certaines personnes de la famille du prophète, autour du prophète. Ils soutenaient le prophète alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, le prophète, il les a vus tous prendre la fuite. Il les a vus tous pris de panique. Il appelait Al-Abbas, radiyallahu anhu wa an abi. Il lui a dit, Al-Abbas, viens, viens. Imaginez-vous le mouvement de panique. Et il l'appelle Al-Abbas, et il lui dit, et Al-Abbas, il était réputé pour avoir une voix qui portait. Et il lui dit, ya Al-Abbas, crie et lance cet appel-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'effet dans cet appel. Et il dit, dis-leur, ô Al-Abbas, crie et dis au peuple des Ansar. Il y avait quelques personnes des Muhajirin. Il a dit, le prophète, j'ai besoin des Ansar. Pourquoi il a besoin des Ansar? Plus solide, c'était les anciens. C'était qui était avec le prophète au début? Al-Muhajirun ou Al-Ansar? Et il y avait le Muhajirun, il dit, appelle les Ansar. Et Al-Abbas, il dit, ya Ahl al-Ansar, ô vous les Ansar, ô vous les Ansar. Et il disait, ô vous les Ansar, qu'avez prêté allégeance Oh, vous qui avez prêté allégeance, bay'atul ridwan, au prophète alayhi salatu wa salam, ici, le jour de l'Hudaybiyah, répondez à l'appel. Et ici, certains Ansar étaient en train de combattre. Ils étaient à droite, ils étaient à gauche, et ils avaient du mal, ici, à suivre cet appel, et ils s'efforçaient. Certains descendaient de leur monture pour suivre cet appel, pour rejoindre cet appel, qui était lancé par Al-Abbas. Ils voulaient répondre à cet appel. Et ici, il y avait du bruit, etc., des cris, etc., et ils ont réussi, la majeure partie d'entre eux, et il est rapporté qu'ils étaient à peu près une centaine. Ils ont répondu à cet appel, ils se sont retrouvés auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, min al-mu'minin rijal, parmi les hommes, ou parmi les croyants, il y a des hommes. Et Allah dit dans le Coran plus loin, وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont changé en rien concernant leur comportement. خلاص الثبات اليقين بالله عز وجل التوكل على الحي الذي لا يموت. C'est qui l'avait? Al-Muhajirun wal-Ansar. Ils ont déjà fait leur preuve. Le prophète, alayhi salam, regardez dans cette situation, il a dit, خلاص, j'ai pas besoin du grand nombre. J'ai vu qu'ils étaient faibles. J'ai le Muhajirun avec moi. J'ai des gens de ma famille. خلاص, on complète. Appelle les autres. Ils étaient combien? Une centaine. إن تنصر الله ينصركم. Si vous soutenez la cause d'Allah Azza wa Jalla, Allah va vous soutenir encore une fois. كما قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Si tu suis ou obéis à la majeure partie des habitants sur la terre, ils t'égareront certes du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Ça nous rappelle que quoi? Le plus important, c'est le nombre ou pas? Abadan, c'est pas le nombre. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Ils t'égareront certainement du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés. Il y avait le muhajirun wal ansar. Il y avait des gens de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Ma'a habibin al-mustafa alayhi salatu wa salam. Et ils ont combattu. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, comme Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, ils ont réussi à gagner cette victoire. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wa salam? Il a pris des pierres par terre et il les a jetées en leur direction. Alayhi salatu wa salam. Et ceci par révélation, et c'est qui met les faits dans les causes? Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont utilisé tout al-asbab, toutes les causes d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu an-nasr. Inna an-nasra ma'a as-sabr. Wa inna ma'a al-usri yusra. Wa inna al-faraja ma'a al-karb, kama qala alayhi salatu wa salam. Allah azza wa jalla a descendu son secours. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté ferme avec eux. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète répétait à ce moment-là, alors qu'il était sur sa mule blanche, il disait, je suis le prophète, je ne puis mentir, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Et il priait en disant, il faisait ad-du'a, il disait, ya Allah, anzil, ya Allah, fais descendre ton soutien. Et il faisait du'a alayhi salatu wassalam. Khlas, les causes sont terminées, ils peuvent rien faire de plus. S'ils combattent, ils sont un petit nombre. Ad-du'a huwa al-ibada. إن النصر مع الصبر وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. N'oublie pas quand tous les problèmes viennent sur toi, ça, et tu sais plus où mettre de la tête, plus personne peut t'aider. الدُعَاء هو العبادة. Le prophète, regarde dans le ma'araka, dans ici la bataille, il voit que خلاص toutes les causes ont été faites. Il n'a pas dit, bon, maintenant c'est pas l'heure de du'a, hein, maintenant خلاص on est dans le combat. Il a levé ses mains, il a fait ad-du'a. Ya Allah, descends sur nous. Ya Allah, descends sur nous ton soutien. Et à ce moment-là, ici, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il rapporte du haut de sa mule, le prophète alayhi salatu wassalam, allongé le cou pour mieux voir le combat, il dit, maintenant la bataille fait rage. Puis il prit quelques cailloux et les lança dans la direction ici des associateurs et il dit, par le seigneur de Mohammed, ils sont défaits. Alayhi salatu wassalam, il disait, par le seigneur de Mohammed, khlas, ils sont défaits. Al-Abbas ajouta, j'observais le combat qui était tel qu'il avait commencé, rien n'avait changé. Mais dès que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à peine il eut jeté ses cailloux, que ici les mécréants, ici ont commencé à prendre la fuite et se replier. Et ici il est rapporté qu'il n'y a pas un associateur parmi eux qui n'a pas été touché par la poussière ou par la terre dans ses yeux. Ici par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus de cela, comme Allah dit dans le Coran, Allah azza wa jalla a descendu son aide par l'intermédiaire de qui? Al-Malaika, comme on va le voir, bi-inillahi azza wa jalla. Les hommes de Thaqif, ici leurs compagnons ne tardèrent pas à être mis en déroute, tandis que d'autres furent capturés. Khlas, on avait dit le butin, et il avait pris un risque ou pas, cet associateur qui a dit non, on prend les femmes, les enfants, khlas. Là, ils ont gagné, mais en plus de ça, ils ont eu quoi? le butin, il y avait des femmes, des enfants, il y avait les moutons, les ovins, etc. On va voir le butin et le grand butin qu'ils ont eu et le partage du butin. Allah, il dit dans le Coran al-Karim, et il décrit cette bataille, et il dit, subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Ça, c'était la première catégorie des gens qu'on a décrit. Khlas, la terre est devenue étroite pour eux. Ils étaient trop confiants. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, la deuxième étape de la bataille concernant le prophète, wal muhajirun wal ansar, et à leur tête le prophète alayhi salatu wa salam, thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha ay al-mala'ika. Junudan lam tarawha ay al-mala'ika wa 'adhaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'u al-kafirin. Allah azza wa jalla parle de cette deuxième étape dans le Coran al-Karim et il dit subhanahu wa ta'ala, puis Allah fit descendre sa quiétude à Sakina, la quiétude sur son messager, sur les croyants. Il fait descendre des troupes, c'est-à-dire al-mala'ika, que vous ne voyez pas, et ceux qui ont mécru ont été châtiés, telle la rétribution des mécréants. Allah Azza wa Jalla les a secourus par une Sakina, ici une quiétude, une miséricorde de sa part, avec l'aide des anges, al-mala'ika, alors qu'ils étaient combien? Ils étaient une centaine, mais ils ont été ou ils sont restés fermes. Alayhi salatu wassalam n'a pas tourné le dos abadan. Al-Muhajirun wal-Ansar, les plus anciens, n'ont pas tourné le dos. Ceux qui ont prouvé maintes fois qu'ils avaient une aqidatu sahiha, une bonne croyance, et qui s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, Allah azza wa jal ici ne cesse d'éprouver ses serviteurs, ici pour voir aussi leur niveau ici d'amour qu'ils ont envers Allah Azza wa Jal, leur crainte qu'ils ont envers Allah Azza wa Jal, leur véracité qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'ils croient vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète, sans rien lui associer, dans n'importe quelle situation. Et ça, c'est des épreuves qu'on voit chez beaucoup de gens qui flanchent. Dû à quoi? Dû à leur manque de croyance saine ou pure, et à leur manque de connaissance qu'ils ont envers leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ils prirent la fuite et laissèrent derrière eux un grand butin. Parmi le butin, ici, il y avait 24 000 chameaux. Il y avait 40 000 ovins. Imaginez-vous, 40 000 ovins, 4 000 onces d'argent et 6 000 captifs. Vous avez vu le butin? 40 000 ici ovins, 24 000 chameaux, 4 000 onces d'argent, 6 000 captifs. Et là, on voit la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam, quand il va partager ici, quand il va partager ce butin entre les compagnons, et on va voir ce qui va se passer, et beaucoup de ici ibar, de leçons à prendre lors de ce partage du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est là on va voir la hikma du prophète. Quand je parle de hikma, c'est la hikma qui est décrite de la façon, comme je répète souvent, wad'u shay 'ala al-wajh alladhi yanbaghi wa fi al-waqt alladhi yanbaghi, le fait de faire ce qu'il faut de la manière qu'il faut au moment qu'il faut. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un de très lucide et perspicace et doté de grande clairvoyance et de sagesse alayhi salatu wassalam, et de grande morale à prendre concernant le partage du butin. Et c'est ce qu'on va voir bi'idnillah azza wa jal la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.